Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige? Chalet Nature Péribonka vous offre le confort total sur le bord de la rivière située à Péribonka, au nord du lac Saint-Jean, tout près du Sentier fédéré. Chalet Nature Péribonka possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site Internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418-218-1376. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonka souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. On va parler évidemment de course automobile, c'est la rétrospective de la course automobile avec notre ami Patrick Carpentier. Pat, ça va bien? Salut Pat! Hey, salut, ça va bien? Ça va bien. Pat, je vais te poser une question surprise en premier lieu, que je ne l'ai pas posé en dehors des ondes, puis d'habitude je dis toujours de quoi je vais parler, mais là je ne te l'ai pas dit, mais vu que c'est le temps des fêtes, c'est quoi ton plus beau cadeau que tu as reçu par rapport au sport, ton plus beau cadeau de Noël? Tu veux dire à toutes les années? Ça peut être jeune comme ça peut être. Ça peut être jeune comme ça peut être. Écoute, c'était bien facile. J'étais très jeune. Ouais, OK. J'avais 11 ans. Puis mon père et un de ses amis avaient décidé de se mettre ensemble pour m'acheter un go-kart. Puis il me l'avait donné à Noël. OK. Écoute, ça a été de toute ma vie le plus beau cadeau que j'ai jamais. T'avais-tu pogné la piqûre avant ou c'est ça qui t'a fait prendre la piqûre? J'avais pogné la piqûre avant puis je les achalais beaucoup parce que je faisais du patinage de vitesse avant. OK. Puis on faisait des championnats. J'avais gagné cette année-là, je pense, le championnat nord-américain puis le championnat canadien dans ma catégorie, évidemment. Puis comme cadeau, il m'avait emmené à Saint-Hilaire. On avait loué des cartes puis j'avais roulé. Écoute, j'avais tellement aimé ça, là, j'ai pas arrêté d'en parler de l'été. Puis ça, c'était l'année d'avant, en patin de vitesse. J'ai pas arrêté d'en parler de l'été. Ça fait 12 ans que j'ai eu mon kart, je pense. Puis l'hiver d'après, ils sont arrivés avec ça. Bon, ben c'est quand même quelque chose de très, très bon. Hey, Pat, je veux, évidemment, on va commencer l'année, évidemment, avec la F1. Ça a été une année, comme tout le monde, très, très, très, très bizarre. La F1 qui a commencé... Qui t'est arrivé, le COVID, tu te rappelles-toi, en Australie, tout le monde t'est arrivé, puis finalement, au mois de mars, finalement, on a décidé de rebousser chemin pour pas faire le Grand Prix. Ça avait été spécial, ça. Ouais. Ah, ça a été spécial. Ben écoute, j'ai trouvé ça soldat de la part de la F1, parce que McLaren, qui avait eu testé positif pour un cas de COVID, ne pouvait pas faire partie de l'épreuve en Australie, fait que tout le monde avait décidé de quitter ça. J'ai trouvé ça correct. T'sais, les enjeux sont trop gros monétairement pour... que tout le monde course, puis McLaren n'en fasse pas partie, là, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, ben, on a connu la saison en Autriche. Ça a débuté au Red Bull Ring. Puis on a eu, écoute, ensemble, moi, je regarde la saison en général. À part la domination de Mercedes, on a vraiment eu une bonne saison. Vraiment des imprévus, toutes sortes d'affaires, des circuits que la F1 n'avait pas fait depuis des années ou ont jamais fait. À part la, juste dire ça rapidement, à part la dernière course que j'ai trouvée ennuyeuse à mort, le reste des épreuves ont été vraiment bonnes. Effectivement. Et le Portugal, tu parles de Portugal. Portugal a été, écoute, ça faisait des années qu'on n'avait pas été là. Je pense que c'est Jacques Villeneuve qui avait remporté la dernière victoire. Ça remonte à loin, là. Oui, ça remonte à loin. Tu parles d'une coupe de place aussi en Italie. Ça a été vraiment Imola aussi, je pense, la dernière fois, c'était Senna ou un peu après, qui était allé là. Fait que, non, ça a été une belle année, des beaux circuits, des belles saisons. Puis, écoute, moi, ça m'a fait réaliser qu'il y a certains styles de circuits qui nous donnent beaucoup plus d'action en F1, comme Montréal d'ailleurs, qui est un excellent circuit pour le spectacle, puis sur la plupart du temps. Puis il y a des circuits comme malheureusement à Abu Dhabi que il y a rien à faire. C'est un circuit qui rend la F1 un petit peu ennuyeux. Est-ce qu'il va rester des d'après toi par l'avenir des grands prix qu'on a vu qui ont été là comme dépanneurs puis qu'on va revoir éventuellement avec un vrai grand prix parce que d'une année normale. Ouais. Ouais, ben écoute Bertrand et Pierre en ont parlé un peu, que j'ai bien aimé la suggestion qu'il avait fait, c'est que chaque année on devrait se garder une ou deux épreuves, que c'est jamais le même circuit, tu comprends, on change de circuit à travers le monde pour justement avoir la chance d'avoir des circuits de ce style-là, là, tu sais, fait que ça aurait été super cool, mais c'est pas quelque chose qui va se passer pour le moment. Ok, Lewis Hamilton a été vraiment dominant, c'était une année incroyable avec Hamilton qui a rejoint, qui a même battu le grand Michael Schumacher. Ouais, exactement, une bonne année, tout le monde sait que il y a une excellente monture. Mercedes est définitivement une bonne voiture. On l'a vu quand que George Russell a monté à bord de sa voiture à Sakhir. Russell aurait pu gagner l'épreuve, sauf que il reste que sa fois champion du monde, gagné aussi avec d'autres équipes. Hamilton est très impressionnant comme pilote. Puis malgré le fait qu'il était vraiment pas dans son assiette dans le dernier Grand Prix, il a réussi à rouler dans le top 3 pareil tout le temps. C'est fait que non, pour moi, Hamilton, c'est un pilote exceptionnel. Ça va, Est-ce que ça va toujours l'être. Il a connu une bonne saison. C'est dans les cinq meilleurs grands pilotes de l'histoire. Mais de là à dire, l'autre fois, je voyais la télévision française avec un document qui se pose la question, est-ce que c'est meilleur que Michael Schumacher? Est-ce que c'est meilleur que Fangio? Est-ce que c'est meilleur que Ayrton Senna? Chacun à son époque éventuellement, mais je pense qu'on peut... Pat, je suis vraiment pas un expert, mais comment on peut juger un bon pilote, c'est vraiment avec ce qu'il fait avec son voiture. Puis à mon idée, il y a personne qui va battre Ayrton Senna. Là. À mon idée. Là. Ouais, pour moi, c'est tous des grands pilotes. J'ai mis sur un pied d'égalité pas mal. T'as des grands pilotes qui ont commencé dans des équipes moins fortunées, des équipes de fond de gris, ils ont moins de championnats. Il y a plusieurs choses qui font qu'il y en a qui vont aller chercher plus de championnats ou moins. Puis l'équipe fait tellement une grosse différence. La monture, c'est impossible à savoir qui était meilleur que qui. Parce que même si tu les mets dans la même voiture, là, il y en a un qui va l'aimer puis l'autre l'aimera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va être plus lent que l'autre. Les deux avec la voiture ajustée à leur style de pilotage vont être aussi rapides d'un que l'autre. Fait que c'est même pas possible de comparer dans la même voiture. Ah, c'est clair. Comment tu as trouvé l'année de la Lance Stroll? C'est correct. Au début, il est parti, on était vraiment excité. Il roulait bien, il était rendu top 3 au championnat, top 5. Ça marchait au bout, puis... Malheureusement, comme un de mes amis a dit, la chaîne a débarqué et puis elle a jamais rembarqué de ce côté-là. Tu sais, pour Lance, malheureusement, des malchances, je pense c'est un manque de confiance ou je sais pas c'est quoi. J'ai de la misère un peu à m'expliquer et à expliquer le fait que Perez a été aussi dominant dans l'équipe, même s'il a manqué deux épreuves. Comparativement à ce que Lance a réussi à faire. T'sais. Fait que ça, de ce côté-là, je te dirais, Lance va regarder sa saison avec certainement une déception, surtout la dernière épreuve quand Perez a sorti à cause d'un bris de moteur. Lance portait le flambeau de l'équipe. Malheureusement, ça n'a pas bien été, pas réussi à garder la température dans les pneumatiques pour une raison quelconque. Puis a perdu des positions. Puis, malheureusement, Racing Point a perdu la place au championnat de McLaren. Okay. Vis-à-vis McLaren. Fait que ça, c'est décevant, je te dirais. Ça aide, je suis certain que lui aussi est déçu. OK. Du côté maintenant, écoute, Frank Williams, cette année, c'était vraiment l'année également où Une page de ça s'est tournée avec la vente de l'écurie Williams. Ça, il faut en parler. C'était vraiment majeur. Là. Williams, écoute, on a connu ça au Québec avec Jacques Villeneuve. C'est Ayrton Senna. Il y a eu des grands pilotes qui ont été dans l'écurie Damon Hill, qui ont été dans l'écurie Williams. Il faut en parler de ça. Oui, exactement. Ça a été un choc un peu dans le milieu. McLaren a passé McLaren par là aussi. McLaren ont la chance d'aller chercher des groupes d'investisseurs. On vendu des parts, on fait des emprunts de près de 200 millions à la banque. Ça a été une année hyper difficile pour Ferrari aussi, en fait, de fabricant de voitures de rue, là, de luxe. Là. Ouais. Tout ça. Je te dirais que c'est des écuries, surtout parce qu'ils marchent beaucoup aussi avec les revenus que la F1 a, puis avec le COVID, malheureusement, les revenus de F1 ont tombé beaucoup cette année. Puis c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'on a monté 23 épreuves la saison prochaine pour essayer d'augmenter les revenus. Plus il y a d'épreuves, plus on augmente les revenus, plus ça coûte cher aussi, mais sauf que ça l'aide les équipes. Mais écoute, Williams, déception, oui et non. J'aime mieux que quelqu'un prennent ça avec l'intention de remonter l'équipe à l'avant, parce que Williams avait plus les moyens de monter cette équipe-là en avant-plan. T'sais. Fait que si le nom Williams retourne à l'avant, ça serait incroyable de ce côté-là. Mais toute bonne chose a une fin. McLaren, ça a toujours été Ron Dennis qui est à la tête de ça, l'image de ça. Il n'est plus là aujourd'hui, puis McLaren continue à rouler. OK. Donc, écoute, l'accident de Romain Grosjean, c'est là qu'on a vu également que la F1 a changé, hein? Oui, la F1, vraiment. Ben, écoute, je vais te le dire honnêtement, Grosjean a été miraculé, chanceux, tout a fonctionné pour qu'il sorte de cette voiture-là, parce que il aurait quasiment pas dû s'en sortir, tu sais, de la façon que c'est arrivé, où il était pris. Il a été tellement béni des dieux. La F1 l'ont échappé belle de ce côté-là, malgré le fait que on a vraiment évolué au niveau du halo, de la sécurité, du padding autour de la tête, du hand device qui tient le coup justement dans un impact. Toutes ces affaires-là ont fait qu'il a survécu, puis beaucoup de chance aussi, puis l'intervention des gens. OK. On va y aller en NASCAR maintenant. Ça a été une année, où Raphaël Lessard a couru en camionnette. Il a remporté sa première victoire. C'était pas sa première saison, c'était sa première saison officielle complète. Écoute, comment t'as trouvé ça? Moi, écoute, c'est une année, écoute, on en a parlé souvent en nombre, toi, Pat. Écoute, Raphaël a pas tombé nécessairement dans une année incroyable. Pour une année qu'il connaissait pas les circuits, il avait pas le droit à des essais privés. Donc, ça a quand même été une assez bonne année dans les circonstances pareilles, là. Oui, je pense que oui, exactement. Ça a été une bonne année d'apprentissage. La deuxième moitié de fin de saison. Oui, exactement. Puis avec la victoire qui a été cherchée à Talladega, ça a été excellent. Il roulait, comme tu mentionnais, deuxième moitié de saison, facilement dans le top 3, top 5. Fait que ça a été super le fun de voir ça. Une belle évolution. Malheureusement, pas de pratique, pas de qualification à cause du COVID. Puis éventuellement, ben, ça a l'air que c'est comme ça que ça va fonctionner en NASCAR. 28 courses en Cup, au moins, qu'il n'y aura pas de qualification, pas de pratique avant l'épreuve. Ils se sont aperçus que ça coûtait beaucoup moins cher aux équipes, puis le spectacle était aussi bon. De ce côté-là, c'est bon, mais pour les recrues, ça va être plus difficile d'accéder à ces niveaux-là. Fait que ça prend des jeunes qui ont tourné dans d'autres séries sur ces circuits-là, qui ont réussi à évoluer aux États-Unis. Puis Raphaël, malheureusement, a dû apprendre à la dure comme à Pocono quand il y a eu l'accident. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait le virage numéro 2 dans ces voitures-là. Fait que quand il est arrivé là, la vitesse, le peloton, le groupe, même s'il avait déjà été là auparavant, justement, d'une série, il y a toujours de l'apprentissage. Fait que ça a été excellent. Écoute, il y a un talent exceptionnel. Il a bien roulé tout au long de l'année, même si les camions de Kyle Busch, selon moi, n'étaient pas les plus compétitifs cette année. GMS ont fini un 2-3 au championnat. C'est d'ailleurs l'équipe pour laquelle il signe l'an prochain. Ouais. Il a signé l'an prochain. Il n'y a pas une saison complète encore, mais au moins l'équipe était la plus compétitive. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. On va en parler dans le deuxième bloc, Patrick. Je vais demander évidemment à quoi. Qu'est-ce que tu prévois? Donc, Alex Labbé, lui, comment tu l'as trouvé? Très bon. Moi, j'ai trouvé ça avec les moyens du bord qu'ils ont, là, c'est incroyable. Ouais, Alex a vraiment fait un travail exceptionnel. Martin d'Anjou aussi, ouais, pour aller chercher les commandites. Ils m'ont vraiment impressionné de ce côté-là. Tu sais, ça, c'est du travail d'arrache-pied, comme on dit, course après course, puis réussir à boucler le budget, puis les commanditaires, puis ainsi de suite. Fait que ça a été incroyable de voir ça, là, tu sais, ce qu'ils ont réussi à accomplir avec Mario Gosselin aussi, qui lui donne un bon coup de main, qui a l'équipe de course. Non, ça a été vraiment le fun d'en avoir un en camionnette puis un en Xfinity. Ça nous a donné la chance de faire plus de shows à RBS de ce côté-là, du côté NASCAR. T'sais. Fait que non, j'ai adoré. Puis Alex, il n'a pas été champion de la Pinty's pour rien. C'est un gars qui a énormément de talent. J'aimerais ça le voir dans une top team ou simplement la même équipe qu'il y a là, mais avec le même budget que les gars en avant. D'après moi, il serait hyper compétitif. Oui, effectivement. Du côté de la Coupe, écoute, c'était le Daytona 500, ça a commencé. Par la suite, évidemment, le COVID est arrivé encore une fois. Et là, on est revenu en mai avec plusieurs courses d'une claque. Il y avait même deux courses par semaine. C'était quand même quelque chose de spécial. Oui, oui, c'était vraiment spécial. Tout un changement. Écoute, ça a été les premiers à prouver qu'on pouvait retourner dans le sport malgré le COVID. Ils ont vraiment réussi à survivre là-dedans. Ils n'ont pas eu beaucoup de cas, à part Johnson, puis quelques gars, mais écoute, ça a été vraiment impressionnant, surtout au nombre de courses qu'il y avait à faire, dans la semaine, le week-end, tout le temps pour rattraper l'horaire, justement, qu'il avait perdu, là, ça a été, puis on finit, tu vois, les séries éliminatoires se sont faites comme il était supposé, sur les circuits qui étaient supposés, fait que ça a été super cool. Bien, Pat, on va faire une pause et on va revenir pour savoir qu'est-ce que tu prévois en deuxième mois, en 2021, vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année en F1 avec, et en NASCAR avec Patrick Carpentier. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleus Fortin du 555 des 15 secteurs Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleus Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleus Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleus Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. On est de retour avec Patrick Carpentier. On va commencer, Pat, avec la F1. Tu prévois, normalement, ça devrait être une année assez normale, encore une fois. On espère le retour du Grand Prix du Canada. Lance Stroll aura un nouveau coéquipier en Sébastien Vettel. Comment tu vois ça, là? L'année de... Ah, écoute, ça va être... Ben oui, j'ai hâte de voir avec l'arrivée d'Aston Martin, Lawrence Stroll, qui est très impressionnant comme... non seulement homme d'affaires, mais... homme d'affaires sportif, si on veut, en F1, réussir à aller chercher vraiment ce qu'il a besoin pour faire avancer l'équipe. La perte de Perez, petite déception de mon côté. Perez est à son meilleur en ce moment, quand même assez jeune. Moi, je le considère comme un des meilleurs pilotes en F1, vraiment un bagarreur. La bonne nouvelle, c'est que Perez s'en va à côté de Max Verstappen. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le spectacle et pour se battre avec Mercedes. Mais du côté de Racing Point, ça reste à voir. Tu sais, Vettel a vécu une année très, très, très difficile. Lance a vécu une année difficile aussi. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner chez Racing Point. Est-ce que Vettel va soudainement reprendre confiance? Quand il s'est fait battre par Leclerc toute la saison, pratiquement. Leclerc a vraiment dominé. Fait que ça va être intéressant à voir les choix. Je comprends le choix au niveau marketing et investissement et ainsi de suite, mais au niveau talent pur, puis ceux-là qui sont à l'apogée dans leur carrière, je ne sais pas si c'est le meilleur choix Vettel chez Racing Point. Ben, écoute, Vettel, je pense que ses meilleures années sont passées vers lui, hein? Ben, je ne sais pas. C'est ça que j'ai hâte de voir. C'est ça qui rend la F1 toujours intéressante. Fait que j'ai hâte de voir l'arrivée d'Alonso aussi qui va revenir, oui, qui a fait les essais d'après-saison, qui a été le plus rapide, là. Fait que ça va être intéressant. Oui, effectivement. En NASCAR, au moment où on se parle, on ne sait pas si Rafael Lesser va disputer une saison complète. Est-ce que c'est un bon move pour sa carrière de passer de l'écurie de l'équipe à Kyle Busch à l'équipe GMS, même s'il n'est pas sûr de faire toutes les compétitions? Ben moi, je pense que oui, j'assume que l'écurie à Kyle Busch, je ne connais pas les détails, l'écurie qui est quand même assez dispendieuse. Quand tu payes le plein prix, tu t'attends à voir des voitures extrêmement compétitives, ce qui n'a pas été le cas cette année. Je ne sais pas si c'est parce que Carl n'était pas le souvent. C'était tous des jeunes, plus recrues, moins d'expérience. Des fois, ta première année dans une équipe, ça fait du bien de changer dans une autre équipe. On l'a vu avec Tony Stewart, on l'a vu avec Joey Logano, où il performait moins dans la première année. Je ne dis pas ça de Raphaël, là, mais sauf que des fois, un changement d'équipe, aller chez GMS Racing, les voitures, on sait qu'ils étaient excellentes l'an passé, devraient continuer à l'être. Je pense que ça va être bon pour sa carrière. Alex Labbé, il se passe quoi pour lui? Ben pour Alex, on espère qu'il va qu'il va réussir à faire une saison complète avec Mario, encore une fois. Il a vraiment bien roulé tout au long de la saison cette année. Écoute, il y a des routiers. Je pensais qu'elle a gagné à Charlotte sous la pluie. Une couple de petites malchances ici et là. Mais non, ils ont fait vraiment des bonnes épreuves à quelques reprises. Okay. Pat, il me reste qu'à te souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Là, on fait ça, puis tu es en train de travailler, tu es comme sur ton break. Merci beaucoup. Encore une fois, très, très, très, très content de t'avoir comme collaborateur. Puis au plaisir de se reparler en 2021 avec la prochaine saison de NASCAR. On va suivre encore une fois Rafael Lesser et Alex Labbé. Ben oui, merci beaucoup. Puis bonne saison hivernale à toi aussi. Patrick Carpentier, qui nous faisait le bilan de la course automobile.